Bible de l'humanité, 3, la Grèce, chapitre 3, légèreté des dieux ioniques, la force de la famille humaine. La science marche et la lumière avance. La foi nouvelle se confirme en trouvant sous la terre ses solides racines dans la profonde antiquité. Le duel mémorable que j'ai vu, jeune encore, entre la liberté et la théocratie, la vraie, la fausse érudition sur les origines grecques, le voilà terminé. Question capitale, vivante, d'intérêt éternel. Le plus brillant, le plus fécond des peuples, fut-il son Prométhée lui-même, ou fut-il enseigné, façonné par le sacerdoce ? Fut-il l'œuvre du sanctuaire ou du libre génie humain ? 30 années de travaux ont décidé la question et tranché le nœud pour toujours. Les résultats sont si clairs et si forts que l'ennemi n'ose plus souffler. Par en bas, dans tous les détails, de point en point, il est battu. D'en haut, un grand coup de soleil, la jeune linguistique l'accable plus encore, manifestant nos jours que, dans ses hautes origines, il n'y eut nul artifice de sagesse sacerdotale, nul symbolisme compliqué, mais la libre action du bon sens et de la nature. Le culte vénérable de l'âme de la terre, de Cérès et de Proserpine, touchant, non sans terreur, qui montrait dans 20 lieues divers l'abîme refermé, la porte de Pluton, partout ailleurs qu'en Grèce aurait créé un puissant sacerdoce. Par deux fois, il y échoua. Au temps les plus anciens, il fut subordonné par le joyeux essor des métamorphoses ioniques, la fantaisie des chantres ambulants qui variaient les fables et les dieux. Plus tard, quand les mystères, aidés de tous les arts, d'une ingénieuse mise en scène, pouvaient avoir très forte prise, la cité existait, incrédule et rieuse. On put chasser Échille, on put tuer Socrate, on ne put rien fonder et l'on tomba dans le mépris. Voici les derniers résultats de la critique moderne. Premièrement, la Grèce n'a rien reçu, ou presque rien, du sacerdoce étranger. Ce qu'elle crut elle-même égyptien, phénicien, est probablement grec. Dans ses âges de force et de génie, elle n'aima qu'elle-même, dédaigna ses vieilleries. Cela lui garda la jeunesse, la parfaite harmonie qui faisait sa fécondité. Quand, à la fin, les dieux ténébreux de l'Asie se glissèrent en son sein, elle avait fait son œuvre. Elle entrait dans la mort. Deuxièmement, la Grèce, à nulle époque, n'a eu un sacerdoce réel et régulier. La vaine supposition qu'elle l'eut avant les temps connus n'a ni preuve ni vraisemblance. Elle n'a pas été dirigée. Voilà pourquoi elle a marché droit dans un merveilleux équilibre. Un des effets très graves de la pression sacerdotale est d'absorber tout dans telle forme, d'engloutir toute vie dans un seul organe, un seul sens. Ce sens, cette partie profite infiniment. Vous avez par exemple une main monstrueuse. Le bras est sec, le corps étique. C'est ce qui a paru si terriblement dans l'Égypte. Et plus encore, dans l'Europe du Moyen-Âge, qui eut tel sens exquis et tel organe gigantesque, l'ensemble faible, pauvre, stérile. Dans la Grèce, laisser à son libre génie toutes les facultés de l'homme, homme et corps, instinct et travail, poésie, critique et jugement, tout a grandi, fleuri ensemble. Troisièmement, la Grèce, mère des fables, comme on se plaît tant à le dire, eut deux dons à la fois, d'en faire et d'y peu croire. Imaginative au dehors, intérieurement réfléchie, elle fut très peu dupe de sa propre imagination. Nul peuple moins exagérateur. Elle peut incessamment inventer, conter des merveilles. Elle lui porte peu au cerveau. Le miracle a peu de prise sur elle. un ciel fait et refait sans cesse par les poètes, les chantres ambulants, ces seuls théologiens, ne lui inspire pas tellement confiance qu'elle croise les bras et attende ce qui lui viendra de là-haut. Elle part de l'idée que l'homme est frère des dieux, né comme eux des titans. Travail, art et combat, gymnastique éternelle d'âme et de corps, c'est la vraie vie de l'homme qui, malgré les dieux mêmes, contre leur jalousie, le fait héros et quasi-dieu. Maintenant, comment cet Olympe, fait de hasard, se semble, improvisé par les aveugles, les chantres de carrefours, de temples ou de banquets, les fémius et les démodocus, comment pourra-t-il prendre un peu d'ensemble et d'unité? Pour un auditoire très divers, autre sera la muse. Ces fables, chantées autour des temples dans la solennité sacrée, au contraire chez les rois, seront guerrières, qui sait, badines, comme certains chants de l'Odyssée. Un pêle-mêle immense va résulter de tout cela. Erreur, tout peu à peu s'arrange. Notez que ces chantres, au fond, sont une âme, un même peuple, dont la vie, les mœurs, les milieux ont peu de différence. Notez que leur art est le même, leur procédé le même. Ils parlent à la même personne dont la voix répond, la nature. On le voit aujourd'hui par les vraies étymologies. Ces créations mythologiques, en Grèce comme dans l'Inde védique, sont d'abord simplement des forces élémentaires, terre, eau, air, feu. Seulement, dans le monde grec qui personnifie et précise, l'évocation du poète fait surgir partout des esprits vifs et mobiles à son image. Elle appelle à l'activité nombre d'êtres qu'on eût cru des choses. Les chaînes sont forcées de s'ouvrir, d'émanciper les nymphes qu'ils ont si longtemps contenues. Et la pierre elle-même, dressée sur le chemin, vous propose l'énigme du sphinx. Voix innombrables, mais non pas discordantes. Le grand concert se divise en parties, en groupes, en gammes harmonieuses. On a vu celle de la terre, de Cérès, la chaste déesse vénérée, redoutée, ont su tirer pourtant tout un monde aimable de Dieu. Amie de la chaleur, parente du feu, elle aspirait en bas. Pour lui épargner le voyage souterrain, on lui crée sa fille, autre Cérès. Pour lui sauver les durs travaux du labourage, un génie inférieur naquit, comme une rustique Cérès mâle, le broyeur Triptolème. Pour garder son royaume, le champ, la moisson, les limites, il fallait des lois et des peines. Mais la bonne Cérès punirait-elle? On en charge Thémis, la froide Cérès de la loi, dont le glaive est Thésée, législateur d'Athènes. Le vaillant Hercule ionique, non moins riche, la gamme du feu, des cabires difformes aux cyclopes, à l'ouvrier Vulcain, à Prométhée l'artiste, va se développant, tandis que de la nuit, Latone, la splendeur de Phébus éclate, et que du front chargé, sombre, de Jupiter, l'éther jaillit, l'éclair sublime de Minerve, de la sagesse. Mais tous ces dieux diffèrent étonnamment, si j'ose dire, de solidité. Il y aurait un livre à faire sur leur tempérament, la physiologie de l'Olympe. Plusieurs, avouons-le, restent à l'état de brouillard, ou même quelque chose de moins, n'étant guère que des adjectifs, comme ces synonymes d'Agni dont l'Inde a fait des noms de dieux. Plusieurs, un peu plus fermes, sont, comme dit très bien M. Max Müller, déjà figés, de quelque consistance, mais reste cependant transparent, diaphane, on voit tout au travers. Leur père, le génie ionique, ne leur permet d'agir un peu comme personne qu'à condition de rester élément, et comme tel, d'être toujours docile à ses métamorphoses. Avec cela, il peut toujours disposer d'eux, les varier, les enrichir de nouvelles aventures, les marier, en tirer des héros. Cette manipulation mythologique est très facile à suivre dans la gamme des dieux de l'air qui, naturellement, devaient flotter beaucoup et prêter aux transformations. L'air supérieur, le ciel, le père Zeus, Jupiter, a nécessairement la plus haute place, le trône de la nature. Il pleut, il produit tout. Successeur des vieux dieux, des titans, il engendre la famille des dieux helléniques. Il règne, il a la foudre et terrifie le monde. Il la roule à grand bruit, s'acquittant des fonctions qu'Indra remplit dans les Védas. Pour les vents, il délègue ses pouvoirs à Éole, un petit Jupiter qui les tient dans ses outres captives aux cavernes profondes. Si Jupiter est ici-bas le grand fécondateur, c'est que là-haut aussi, il a une céleste fécondité. En Asie, il serait un dieu mâle et femelle. En Grèce, on le dédouble. On lui donne une femme qui n'est que l'air encore, l'air femelle. Errée ou Junon, air trouble, agité, colérique. Cela ne suffit pas. Dans sa hauteur sublime, au-dessus des nuées, dans l'éther pur, on voit tout autre chose. Jupiter devient triplé, on lui fait une fille, Pallas, qui part de lui seul, non de sa Junon. Plus tard viendront les Doriens qui l'obligeront de partager son règne sur l'orage avec le jeune dieu Apollon qui a des flèches comme l'Indra védique pour percer le dragon des nuées. Ainsi, de Zeus ou du Père Ciel se fait toute une série de dieux, non fortuites ni désordonnées, mais bien liées, progressives, harmoniques, une belle gamme de poésie. Zeus, doublé, triplé, quadruplé, n'en garde pas moins son rang supérieur et sa noble représentation. Il est le père de tous les jeunes Olympiens et, comme vers la fin, tous se reconnaîtront en lui, verront qu'il n'était que lui seul. Sa supériorité prépare aux philosophes leur future unité de Dieu. La Grèce, dans un instinct singulier de progrès moral, ne laisse point ses dieux chômer et s'endormir. Elle les travaille incessamment, de légende en légende, les humanise, fait leur éducation. On peut la suivre pas à pas, d'âge en âge. Les dieux nature ont beau se personnifier, ils pâlissent. Les dieux humains surgissent, les dieux moraux grandissent. Les dieux justiciers, héroïques redresseurs de tort, dont le triomphe ferme l'histoire divine, jetant leur costume à la fin, montre le vrai héros, le sage. D'Hercule reste le stoïcien, que l'école très bien dit le second Hercule. C'est la vivante pierre, le ferme roc du droit, où Rome tout à l'heure assoira la jurisprudence. C'est là le but suprême et lointain vers lequel on marche à l'aveugle, mais très certainement, il faut faire le héros. Dire que les dieux descendent, s'incarnent, comme ils font dans l'Inde, cela servirait peu, sinon à endormir l'activité humaine. L'important serait d'établir une bonne échelle régulière par où l'on put et descendre et monter, par où l'homme de force et de labeur, ayant développé ce qu'un dieu mit en lui, s'envola, devint dieu. Ni la langue, ni l'esprit grec ne permit au poète d'exprimer les divines naissances, sinon par des amours divins. Des dieux le plus fluide, l'aérien Jupiter, eut le rôle du grand amoureux. Les chantres populaires ne le ménagèrent pas. Tout en lui donnant la figure imposante et les noirs sourcils, la barbe redoutable du père des dieux, ils le lancèrent dans 1000 aventures de jeunesse. Et tout cela, badin, de léger bavardage, pas un seul trait passionné. Au reste, rien de plus transparent dans cette langue. Il n'y a guère moyen de s'y tromper. Le sens physique reste toujours marqué. La traduction seule est obscure. Elle exagère la personnalité de ces êtres élémentaires. Zeus a plu dans la force. C'est littéralement le nom d'Agmène, et elle a conçu le fort, Alcide. Zeus a plu par l'orage dans la terre, s'est mêlé, qui, foudroyé, conçut Bacchus ou le vin chaleureux. Quoi de plus clair pour ces primitives tribus de vie tout agricole. Ces fables des amours et des générations divines apparurent vraiment scandaleuses quand Évémère et ses pareils les expliquèrent par l'histoire prétendue des rois du temps passé, quand Ovide et autres conteurs les égayèrent des jeux d'une facilité libertine, quand enfin les esprits affaiblis de la décadence, un Plutarque par exemple, oublièrent, méconnurent entièrement le sens primitif. En vain, les stoïciens, par une juste interprétation que la linguistique aujourd'hui confirme tout à fait, y montraient les mélanges des éléments physiques. Les chrétiens se gardèrent d'y vouloir rien comprendre. Ils saisirent ce précieux texte d'attaques et de déclamations. Dans les temps déjà byzantins où tout sens élevé s'émousse, personne n'est plus assez fin pour sentir le caractère double de ces fables antiques, le clair-obscur où elles flottaient entre le dogme et le conte. Lourdement, impérieusement, ils interrogent la Grèce. Croyais-tu ? Ne croyais-tu pas ? Ils semblent voir un magistère grondant un enfant de génie qui a, comme on l'a à cet âge, le don d'imaginer et de croire à moitié tout ce qu'il imagine. Le vieux sot ne sait pas que l'on commence ainsi. Il ignore qu'entre croire et ne croire pas, il y a des degrés infinis, d'innombrables intermédiaires. Chez ce peuple inventif, à la langue fluide et légère, tant que les dieux eurent leur vraie vie, leur facile végétation mythologique, ils changeaient trop pour peser sur l'esprit. Au lieu où la tradition plaçait leurs aventures divines, autour d'un oracle ou d'un temple, on croyait sans doute un peu plus. Les chanteurs populaires éloquemment contaient la merveille du temple aux voyageurs ravis. Ils l'apprenaient en vers pour la mieux retenir, mais non sans ajouter de poétiques variantes. Ainsi, la chose allait flottant, changeant toujours, chaque nouveau chanteur se sentant même droit dans la muse et l'inspiration. Nous avons dit ailleurs combien l'âme intérieure de l'Inde garda de liberté contre ses dogmes, malgré les apparences d'un joug sacerdotal si fort. Mais combien plus cette liberté existe pour la Grèce qu'il n'a nul joug pareil qui se fait, se refait incessamment elle-même, pour défendre le sens moral des excentricités légères de la fable religieuse, elle n'a nul besoin de critiques sévères, ni de dure ironie. Il lui suffit d'avoir ce qui garde le mieux des tyrans divins, le sourire. La Grèce n'eut pas la sévère attitude, la gravité solennelle qui frappe chez certains peuples. Mais le génie du mouvement, la puissance inventive qui fut infatigable à elle, certaine vivacité légère, la soulevait toujours au-dessus des choses vulgaires et basses. Un air très pur, point du tout énervant, le sublime éther d'un ciel bleu librement y circule et tient la vie très haute. Ce n'est pas proprement le scrupule, la peur du péché, l'attention à fuir ceci, cela qui domine chez elle. C'est sa propre nature, une sève âprement virginale d'action, d'art ou de combat. La flamme innée de la Pallas qui la maintient à l'état héroïque. Cela est exprimé à merveille dans ses belles traditions. Quand Agamemnon part pour si longue absence de la guerre, du siège de Troie, que laisse-t-il auprès de Clytemnestre ? Qui voyons-nous siéger près d'elle, au repas, aux heures du repos ? Un prêtre ? Non, un chantre, dont les nobles récits lui soutiendront le cœur. Gardien respectueux, ce ministre des chastes muses combattra chez la femme la rêverie, les molles langueurs. Il lui dira la forte et sublime histoire du passé, Antigone immolant l'amour, la vie à la piété fraternelle, Alceste mourant pour son époux, Orphée jusqu'aux enfers suivant son Eurydice. Tant qu'il chante, l'épouse est tout au souvenir d'Agamemnon absent, si bien que le perfide Égiste n'en vint à la corrompre qu'en enlevant l'homme de la lyre. il le jeta dans une île déserte, et la reine, dès lors abandonnée des muses, le fut aussi de la vertu. Ce qui étonne, c'est que certaines choses rappellent, dans un climat méridional, la froide pureté du Nord. La plus jeune des filles de Nestor baigne Télémaque. Laërte, père d'Ulysse, a fait élever sa fille avec son jeune esclave Eumée. La fille de Chiron, le sage centaure, qui ne cède en rien à son père, fait l'éducation d'un jeune dieu et lui enseigne tous les mystères de la nature. On se croit en Scandinavie. On croit lire le Njálssaga où la noble vierge a un guerrier pour précepteur. La Grèce présente exactement l'envers du Moyen-Âge. Dans celui-ci, toute littérature, ou presque toute, glorifie l'adultère. Poèmes, fabliaux, Noël, tout célèbre le cocuage. Des deux grands poèmes grecs, l'un punit l'adultère par la ruine de Troie, l'autre est le retour héroïque de l'époux, le triomphe de la fidélité. En vain, les prétendants n'obsèdent Pénélope. En vain les Calypso, les Circé se donnent à Ulysse et veulent avec l'amour lui faire boire l'immortalité. Ils préfèrent son Ithaque, préfèrent Pénélope et mourir. Chose horrible qui fait frissonner un père de l'Église. Saturne mangeait ses enfants. Quel exemple pour la famille. Rassurez-vous, bonhomme, il avale des pierres à la place. Dans la réalité, très forte est la famille grecque, et elle n'est pas moins pure. L'histoire d'Édipe et autres montrent assez combien les Grecs eurent horreur de certaines unions qu'ils croyaient propres aux barbares. Avant l'invasion du dorisme, ces guerres cruelles qui contractèrent la Grèce et altérèrent l'antique humanité, la famille est tout à fait cette famille naturelle et sainte qu'on voit dans les Védas, qu'on voit dans l'Avesta. Elle a son harmonie normale et légitime. Quand plus tard la philosophie, la douce sagesse socratique de Xénophon, cherche logiquement quel est le vrai rôle de la femme, elle n'a rien à faire qu'à revenir tout simplement à ce que nous peint l'Odyssée. La maîtresse de maison a, dans Homère, la moitié du gouvernement, tous les soins intérieurs, ceux même de l'hospitalité. Elle siège vis-à-vis du mari et comme son égale au foyer. C'est à elle d'abord que doit s'adresser le suppliant. L'aimable Nausicaa qui accueille au rivage le naufragé Ulysse lui recommande bien de parler d'abord à sa mère. Cette mère, la sage Arété, semble pour tous une douce providence. Et pour son mari même, Alcinous, qui, déjà un peu vieux, se donne du bon temps et, dit sa fille, boit comme un immortel, Arété le supplée. Par sa prudence et son esprit de paix, elle arrange, prévient les procès. Elle est comme l'arbitre du peuple. La femme est fort comptée par l'époux, par le fils. Laërte, dit Homère, eut fort aimé sa belle et sage esclave, Euryclée. Il n'y toucha point, par crainte du courroux de sa femme. Cette femme, mère d'Ulysse, en est très tendrement aimée. Rien de plus naïvement pathétique que la rencontre du héros avec l'âme de sa mère. Il lui demande tout en pleurs ce qui lui a causé sa mort. Serait-ce le destin? Serait-ce les flèches de Diane qui, par les maladies, nous enlèvent à la vie? Non, mon fils, ce n'est pas Diane. Non, ce n'est pas le sort, mais c'est ton souvenir, c'est ta bonté, mon fils, qui m'a tué. C'est le regret d'un fils qui fut si bon pour moi.